Bonjour à tous, vous êtes dans Plus que du métal. Ça y est, aujourd'hui, le groupe invité, donc on est lundi 10 février, le groupe invité Tactesis. Salut les gars. Salut, ça va. Allez-y, présentez-vous avant. Allez-y. Alors, salut Jean-Luc. Quel est le chanteur? C'est le seul qui est pas là. C'est le branleur. Ouais. Non. Ah, d'accord. Non, il y a moi quand même. Moi aussi, je suis Kyung, chanteur guitariste. Ça, ouais. Les voix clean. Ok. Alors. Ensuite, on a le batteur, je crois. Alors, le batteur, c'est moi, c'est Chris. Enchanté, ouais. Enchanté. Et puis. Alors, guitare rythmique, Stéphane. Ok. Et le frangin de Kwan. D'accord. À la basse. Et là, vous le voyez pas, et on a un photographe, un vidéaste. Et notre photographe Davy qui nous suit. C'est ça. Salut Davy. Salut Davy. Caméraman aussi, il fait tout. On va parler de vous dans un instant. Juste avant, on va faire un petit peu de sortie d'album. Et ben d'ailleurs, les sorties d'album. On en parlera, mais je crois que vous allez en sortir un en février, hein, Buried Alive, si le titre n'a pas bougé, que je me suis bien renseigné. Exact. Super. Le 21 février, on retrouvera aussi le prochain Ozzy Osbourne, Ordinary Man, vous avez remarqué mon excellent anglais. Incubus, Lights Grenade, qui sortira aussi un album, Demons and Wizards, avec le titre 3. Regarde les hommes tombés, qu'on vient d'écouter avec New Order, manifestement un très très bel album qui va s'intituler Ascension. Et enfin les Five Finger Death Punch qui vont sortir F8, là pour le coup j'ai pas de problème pour le prononcer. On va écouter Ozzy Osbourne avec Elton John. Ah bien, pas mal, on a ça. Hein, Ordinary Man, hein, là je leur dis super mal. Et on parle de vous après. Allez, pas c'est parti. Ouais, à tout à l'heure. Just petit duo Ozzy Osbourne, Elton John. Alors les Actesis. Ah, c'était bon, c'était tout en douceur. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça change. Allez, quelle est votre histoire? Allons-y. Alors. Histoire, bah on est. Histoire. Lorrain de souche. Quand est-ce que le groupe a débuté déjà? Ah. Donc c'est les deux frères qui l'ont créé. Ouais, les deux frères en 2013, parce qu'à la base nous on avait déjà fait un groupe ensuite depuis déjà les années 90, on est groupe Scarecrow à la base, après on a fait Stone Remains. On était les trois frangins, et puis là, en 2013, on dit bien, faut qu'on fasse un nouveau projet avec mon frangin Cohen, là, bassiste. Puis on cherchait des icos. Forcément, c'est plus pratique. Voilà, un facteur est arrivé et on a choisi le facteur. Il a livré le chanteur. C'est voilà. Ça. Et donc c'était Gauth de Merklen de Merciless, voilà. Qui était avec nous au début, qui est venu avec Chris et le chanteur de l'époque. La force de l'Asie, c'est voilà. Associé à la poste. C'est voilà. Ça. Et ensuite, Steph nous a rejoint il y a quelques années à la guitare, après le départ de Gauthier. Ah bon. D'accord. Voilà. Le plus jeune. Voilà, c'est le plus jeune. Donc depuis 2013, vous tournez. Voilà. Allez-y. Hein. Oui, on a fait pas mal de concerts. On avait aussi tourné le clip Drag Me Away. Ouais. En 2016, pour être plus exact. Ouais, c'est ça, exact. Hein. Tu connais mieux notre bio. Ouais, ça un peu. Voilà, bah, comme on a eu des problèmes de line-up, on a changé, donc il fallait retravailler. Donc du coup, on a travaillé aussi avec Clément Manomti, qui est notre chanteur aujourd'hui. Nouveau chanteur. Qui était dans des DFA aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Alors, j'ai une question. Vous avez donc, comme tu viens de dire, tourné un clip en 2016. Il n'y a pas eu de sortie d'album tout de suite après. Alors, bien sûr, il y en a un qui va sortir en février, où ce titre sera donc sur cet album. Mais pourquoi pas avant, au final? Qu'est-ce qui vous a empêché ou pas? C'est justement Gauthier qui est parti vers d'autres horizons. Ouais. Et du coup, on a eu un petit peu de mal à trouver un guitariste. Ça a mis un peu le temps. Ça a mis un petit peu de temps. On a trouvé Stéphane qui nous a rejoint, qui était très sérieux. Mais bon, le temps de l'intégrer, voilà. Après, on a eu du mal aussi à trouver un bon ingé son. Un ingé son qui nous dépatouille l'enregistrement qu'on avait fait de batterie. Ça a traîné un petit peu en longueur. D'accord. Et puis, bon, après, on s'est un peu sorti les doigts. Puis voilà, quoi. Mais ça met le temps. Voilà. Et comme on a envie de prendre du temps, enfin de gagner du temps, on a aussi un EP en préparation déjà, soit pour fin d'année ou l'année prochaine aussi. Ah oui, carrément. Passer du mode daron aux petits jeunes. Eux, ils explosent tout. Et nous, on se dit, on va essayer de reprendre le train en marche. Donc, on va essayer d'être toujours en mode daron parce qu'on ne change plus. Hein, les courbatures, tout ça, la fatigue. Mais, parle pour toi. Hein. Oui, mais voilà, ça va tellement vite qu'aujourd'hui, faut profiter du temps que l'on a, de l'énergie, et puis ça donnait la passion qui est la musique, et puis voilà, la formation qui est aujourd'hui, ça a demandé un peu de temps, et aujourd'hui on s'est dit, allez les gars, mais allez, on met des suppos, on y va. Il faut y aller, quoi. Et bah écoutez, on va écouter ce titre de 2016, Drag Me Away, hein. Yes. Et bah on y va, parti. Yeah! Voilà, donc Drag Me Away, donc votre premier titre, hein, on est bien d'accord. Premier single, premier clip. Donc je vous rappelle donc l'actu, donc il y a un album Buried Alive qui sort en février. Comment se passe le processus de composition au sein du groupe ? Alors c'est plutôt donc moi Kyung, hein, qui compose tout. J'écris tout. OK. Bon, bah question suivante. Voilà. Et ensuite non, mais après j'écris en fait c'est pour gagner du temps, comme on répète aussi peu ensemble. On se voit à peu près deux fois par mois, on répète comme ça. Ah, vous répétez que deux fois par mois ? Ça suffit, ouais, comme ouais, ça d'accord. On est efficace. Parce que tout est écrit en fait. Maison, voilà. Tout est écrit. J'envoie aux Icos. Ah oui, si tu parles pas dans le micro. On réarrange ensemble, on enregistre tout home studio. D'accord. Et puis comme ça on est efficace, on répète. Ok, donc c'est toi qui est principalement, le principal compositeur. Voilà, dans l'album, il y a aussi mon frère qui a quand même composé Change My Reality. Ouais. Voilà, puis tout le reste c'est moi. D'accord. Et s'il y a un de vos collègues qui arrive avec des idées, vous n'êtes pas réfractaire. Oui, on les prend en compte, ça donne l'ambiance, dans quelle optique il veut, la nouvelle chanson. Donc c'est comme un groupe ouvert, chacun veut se faire plaisir, donc on comprend quand même chacun ce qu'il voudrait avoir. Il y a quand même une concertation, il arrive avec ça. Et puis c'est ça. L'idée c'est de. On est bien d'accord. On pose une trame, comme ça, au moins il y a une structure, puis après on travaille ensemble, et puis chacun ramène. Voilà. Et puis là, le prochain album, aussi après, il y a aussi Steph qui a composé pas mal aussi. Même Chris à la batterie, il me propose des pistes, donc après, ça va grossir. Super. Donc, je rappelle Buried Alive qui va donc sortir en février, accompagné d'un clip. Le clip de Nothing, voilà. C'est ça. Donc, on en parlait pendant que vous aviez Drag Me Away qui passait. Quel est l'impact pour vous de faire un clip, l'impact local, on va dire ? Ah mais le clip aujourd'hui c'est l'empreinte, c'est l'actu, c'est voir si le groupe a la niaque, c'est le CV, c'est grâce à ça qu'on peut dire bah tiens on bosse, on fait ça, écoute mon gros, regarde ce qu'on a fait. Et puis ça permet aussi d'avoir un retour pour nous même aussi avancer et puis voilà, pour moi, mon avis, c'est ça. Vous en pensez quoi, le ouais, c'est vraiment, les gens veulent une image. Puis on voit très bien qu'il y a de la concurrence, donc il faut quand même faire des bons produits. Là, on a Davy, qui est vraiment spécialisé, qui a fait le clip des Mortues. Et voilà, c'est une tuerie. Et puis on a des idées, quoi. Voilà, finalement, on est tous devenus techniciens aussi, son image. Il y a Steph qui maîtrise pas mal le montage, qui photographe aussi. Clem qui propose pas mal d'idées de montage aussi vidéo. C'est d'abord c'est Clem qui a fait le montage du Drag Me Away. D'accord. Voilà donc c'est important d'avoir mettre la main à la pâte et d'avoir une bonne image sur les réseaux, donc notre nouvelle chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Donc c'est important. C'est un moyen d'expression. Là tu peux le dire. Hein, faites de la pub pour votre groupe. Hein, donc YouTube. Ouais. Vas-y. Bah je te laisse faire. Allez vas-y. C'est-à-dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? Petit aparté dans le clip. Voilà, notre page Facebook, donc Actidis, hein, puis sur Instagram, Actidis Metal Band. Passons, le seul groupe où il y a des viettes, il n'y en a pas beaucoup. En Lorraine, et puis qui aime bien la Lorraine, il n'y en a pas beaucoup, donc on est facilement reconnaissable. En plus, je grossis d'année en année, donc l'impact d'Actésie, c'est bien, vraiment bien visible au-delà du clip. J'ai plus d'asthme, j'ai des problèmes d'articulation. Ça, c'est moche, ça. Ouais. Non, mais voilà, Actésie sur réseau, Facebook, Instagram. Et voilà, donc si t'aimes bien l'Asie, écoute Actésie. Mais il y a aussi deux Rital dans le groupe. On a aussi notre guitariste serbe, voilà, c'est vraiment un groupe international. C'est éclectique, quoi. Ouais, éclectique, ouais. Voilà, c'est ça. Ah, les filles moldaves sont bien, les filles portugaises sont belles, les filles italiennes, elles sont succulentes. Et la Lorraine dans tout ça, eh ben, elle est bonne aussi, la Lorraine. Hein. La bière aussi est bonne. Je te rappelle qu'il y a ta compagne qui t'écoute. Ouais. Ah non, non. Non, elle écoute pas. Ah si, peut-être. Si, mais elle aime ça. Ouais. D'accord. Donc le clip, ok. Donc le nouveau clip, voilà, Nothing. Voilà. Qui va sortir en mars, hein, voilà, c'est bien ça. Début mars. On attend que Davy travaille sur le produit, là. Ouais. Bah, pour l'instant, il est en train de filmer. Voilà, il nous filme. Ah, là, ok. Et le 21 mars, vous allez faire. Notre release party. Voilà. C'est l'occasion. On a vraiment l'opportunité, grâce au maire de Saint-Nicolas-de-Port, à Inadège qui gère la salle. Avant de faire tout ça, pourquoi? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Bah, vous voulez créer l'événement. Parce que généralement, c'est pas un groupe qui organise ça. Spécifique. C'est qu'on spécifique. Au début, on a proposé. Et puis finalement, j'ai dit, c'est parti, on le fait. D'accord. C'est notre premier orga. Et puis on fait. On s'est lancé, c'est parti. Et je suppose que l'organisation. Je suppose que l'organisation est quand même assez lourde, non? Ah oui, c'est dur, mais là, on est à fond dans la campagne de communication. Donc là, on est à fond sur les réseaux. Ouais. Voilà. Donc le 21 mars, c'est à Saint-Nicolas-de-Port avec Dog & Steel et Torment. Voilà. Donc les autres groupes, vous les aimez pas, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on les a invités. Ça fait bonne soirée de connards. Ouais. Voilà. Et plus on est connards, plus on est connus aussi. Plus t'es con, plus t'es bon. La question, pourquoi ces deux groupes-là? Bon, Dog & Steel, ils sont assez connus maintenant. Ouais, voilà, on les connaît depuis le début aussi. Hein, on avait déjà joué ensemble à l'époque quand on avait à peine fait le projet. C'est des potes, c'est ça? Ils ont déjà une musique qui peut rassembler plus de monde. Ça reste fun, c'est rock. C'est plus et donc, rock, Vu que la tranche d'âge que nous, on est déjà, on a entre 35 et 40, on s'est dit un groupe qui peut rassembler les deux, c'est Dog & Steel. D'accord. Donc et puis au niveau du style musical, ça c'est très fun. Voilà, ça permet de t'as envie de boire une bière, t'as envie de les voir jouer sur scène. Le choix de Tormund, on a besoin d'un groupe jeune, plus jeune, du coup, la scène Lorraine, qui sont actifs, qui sont aussi à fond dans leur projet. Salut Émile. Hein, ils étaient venus dans plus que du métal. C'était presque les bisous. C'était le deuxième groupe qui était venu dans cette émission. D'accord, ok. Deuxième groupe. Donc voilà, puis nous, on se glisse en milieu comme un sandwich. D'accord. Voilà. Ah, vous êtes au carrément milieu. C'est même pas tête d'affiche, quoi. Non, parce que ça, c'est pour de. On s'est dit, c'est notre release. On s'est dit, premier, mais on s'est dit, économisons-nous aussi parce qu'on a des choses à gérer et on va se mettre bien sûr en avant, on n'hésitera pas, mais de laisser la place à un groupe phare comme Dog & Steel, nous ça permet aussi de travailler sur d'autres choses à côté, le relationnel, puis de choyer un peu les gens qui viendront nous voir, qu'on attend bien sûr nombreux. D'accord, donc le 21 mars à Saint-Nicolas-de-Port, voilà, l'autre filature à la salle, l'autre filature, c'est ça. Et sinon, d'autres concerts? Bah, oui. Prévision, voilà, on a un club biker, donc King Bros qui nous a booké pour une soirée dans leur club moto biker, le 6 mars. C'est le... Non, il n'y a rien à voir avec les films là. Les bikers, non. Non, voilà. Et donc le 6 mars, Le 6 mars, c'est donc Marinville. Marinville sur Madon. Marinville sur Madon, ouais. D'accord. Et autres, non? Pas encore? Bah, on va. Il y a une copine aussi, Cathy, qui tient la brasserie des Papilles et qui nous a aussi invités pour animer une soirée. Donc on va l'aider cette fois-ci, mais sur un projet plus cover rock. Ok. Donc, voilà, de la baloche, quoi. Voilà, on va s'amuser. On va petit bal du samedi soir. Mais ce qui permettra de nous. Se faire connaître et puis d'être présente, se faire plaisir aussi. Hein, c'est du boulot aussi hein, de faire des covers, c'est du boulot. Mais c'est une autre proposition qui fait que. Puis en plus, c'est Cathy qui viendra aussi servir sa bière artisanale le 21 mars aussi. Donc on va servir de la bonne bière. Comment ça se passe pour les concerts? Vous avez encore une personne, vous avez une personne qui est en dehors et qui fait des recherches de salles ou autres? Malheureusement, non, on n'a pas de. Ou société d'après-midi. Nous-mêmes, tout seul. C'est vous-même. Vous avez des propositions aussi des fois? On avait déjà fait des concerts aussi avec Metal Ride, on avait joué Blo, on avait fait quand même le caisson, on avait joué un totem. Un attaché de presse, je croyais. Ah, attaché de presse. Oui, on a eu. De communication, de booking, non, on a pas ça. Pas encore, peut-être. Pour nous, c'est très bien. On fait tout nous-mêmes. Pour l'instant, tout nous-mêmes. D'accord. On va écouter un deuxième morceau, Nothing, donc le clip. Voilà, le prochain clip. Le clip qui va sortir donc, sur les réseaux sociaux. Début mars. Début mars. Ok. Eh bien, on y va, c'est parti. Yourself, you will be mine. Voilà, Nothing, donc le clip sortira au mois de mars. Donc on parlait déjà du CD. Où oui. peut-on trouver, où va-t-on trouver ce CD, hormis en sonnant chez vous? Bah, pour l'instant, ça va être chez moi. Comme ça. Donc chez Kwan, qui habite à Froid. Hein, bah, donne l'adresse. Fais-lui son téléphone en même temps. 06. Non, dans un premier temps, ça va être comme ça. Et puis après, bon, par la suite, on va essayer de voir comment on peut faire pour être distribué un peu à droite à gauche. Peut-être. Comment ça se passe là? Vous avez démarché aussi ou pas Maison de 10, label, faut qu'on voie, parce que bon, les deux sont différents. Voilà, on est en train d'étudier un petit peu tout. Faut qu'on voie aussi tout ce qui est protection de l'œuvre en elle-même. Enfin, c'est beaucoup de boulot. On a Kyung qui s'affaire pas mal là-dessus. On est en train de réunir deux trois contacts, voir après balancer ça, attendre les avis. Mais bon, pour l'instant, on reste vraiment sur de l'autoprod, donc de l'autodistri aussi. Donc pour l'avoir, il faudra nous contacter par Facebook ou tous les trucs là. Et puis on fait ça à l'ancienne, quand on va faire marcher la poste. Hein. Et puis après, sur les plateformes numériques après. Et plateformes numériques. Les plateformes numériques, voilà. Et donc on parlait aussi en off, y a du merchandising qui va arriver, le design et tout ça, vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux, je trouve. Et c'est bien, on est bien là, c'est important, en local, qui s'en occupe C'est la force de l'Asie d'abord. Ensuite, la Moldavie nous rejoint avec les forces de la Poste. D'accord. Ensuite, tant qu'il n'y a pas les forces du mal, ça va. Les forces du mal, non, ils sont très très bien avec nous, ils aiment bien manger, ils aiment bien boire. Et du coup, le fait de faire des stories, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je dois faire encore des conneries. Pas au bon horaire, pas le bon format, je crée que des fautes. C'est vrai qu'on doit s'adapter par rapport, bien sûr, à nos métiers. C'est sûr que Clem, avec sa pizzeria, c'est sûr qu'il est vachement plus occupé. Et donc, c'est vrai que moi, je m'en occupe pas mal. Donc, c'est moi qui fais pas mal les posts, création d'événements. Puis après, tout le monde s'y met. Là, le frangin qui fait pas mal de posts avec des images qui fonctionnent bien, des photos sympas. Notre Serbe Stéphane qui fait des bons montages vidéo, c'est lui qui a fait le montage de vidéo pour Noël. Donc voilà, donc ça marche très bien. Donc autopod total, parce que on veut s'amuser, ne pas avoir de barrière, et puis ça nous fait aussi grandir cette plateforme visuelle telle que Internet, tout ça, on apprend aussi. Donc on a des retours, en plus c'est ça qui est intéressant, même pas qu'en local, même à l'étranger, sur Instagram. D'accord. C'est vachement intéressant, ça fait plaisir de s'améliorer, quoi. Bah oui, bien sûr. Ouais. Puis on est quand même proche d'Allemagne, Luxembourg, Belgique, donc à force on a des contacts aussi après à l'étranger. Vous tournez, vous êtes déjà tourné en Europe Pas encore. Avec l'ancien projet, on l'avait déjà fait, mais bientôt, oui, on vise. Après, j'aimerais bien jouer Allemagne, Suisse, Belgique, Luxembourg. Ouais. Donc, ok, super. On a quand même la chance d'être dans une belle région, très proche. Oui, puis très proche des frontaliers. C'est bien. Dans plus que du métal aussi, on décortique un album qui est. D'ailleurs, quelles sont vos influences musicales? Les influences d'hier ou d'aujourd'hui? On peut dire de tout pour toi, peut-être, non? Ouais, c'est ton frère qui l'a dit, que t'étais plus vieux. Hein. Ouais, moi j'aime bien tout ce qui est groove, tout ce qui est funk, tout ce qui est electro, tout ce qui est toi qui te donne la boobs, mode. En fait. Là où il y a des boobs, il aime bien. Ouais. D'accord. Ouais, toi qui fais j'écoute moins de métal aujourd'hui, j'en m'intéresse toujours parce que j'aime bien mes premières sources, parce que c'est toujours de bons souvenirs. Ça me fait penser quand j'allais à un concert quand j'avais 16 ans, 16, 20 ans. Et aujourd'hui, j'écoute plus d'autres sonorités pour avoir plus d'influence, aussi une autre ambiance que je voudrais amener après dans la musique. Ça reste du métal, ça reste assez crunchy quand même, mais aussi d'autres ambiances pour se sentir et pouvoir se développer à travers le groupe, puis pouvoir la connaissance tout court. Quoi. Ok. Ouais. Mais bon, on est quand même assez à la base influencé quand même metal, death metal mélodique, beaucoup de, enfin moi à la base metal nordique à la base. Hein, Les années 90, on a toujours été fan de Solwa, King Flames, etc. Steph qui adore aussi tout ce qui est heavy metal, symphonique. À la base on aime les solos de guitare. Chris qui adore le prog aussi metal, adore Red Alive, etc. Donc, l'extrême aussi, il aime bien tout ce qui. J'aime bien tout ce qui est extrême. En fait, moi j'écoute, c'est suivant l'influence du moment, de mes émotions. Si j'ai besoin de me décharger, je vais écouter un truc hyper bourrin, pas de fioritures, et sinon, voilà. plus du prog, des trucs on comme ça. On aime le côté mélodique qu'on amène, voilà. C'est pour ça qu'on propose quand même un chant trash, mais quand même chanté, tonal, et moi je fais les voix clean. On y viendra, voilà, Clem, des questions pour aussi là-dessus. Clément Manonti, lui, il est vraiment influencé, il adore Devin Townsend, on aime bien ce côté-là, puissant. Ah, c'est bien, c'est très bien. Donc voilà, on a aussi bien sûr nos albums de chevet, bien sûr Pantera, ces groupes-là qui nous fait grandir. Donc voilà, à la base, on aime aussi ce côté groove, comme disait mon frangin, là. Voilà. Et si je vous dis le Black Sabbath, Paranoïde? Oui. Ah bah, les pionniers, c'est sûr. Voilà. Oui, donc cet album qui est peut-être au cœur de la métamorphose de la musique métal, hein, parce que c'était au même moment que Deep Purple et Zeppelin qui faisaient donc du hard rock côté sex, trucks and rock'n'roll. Et au moment où les Black Sabbath arrivent, ils choisissent le dépressif, Malcab, l'apparition donc du métal. C'est un album qui offre un véritable panel de rythmes différents, qui propose des structures très complexes avec des riffs sortis, ça c'est un avis tout à fait personnel, d'un autre monde. Bref, Black Sabbath s'ouvre donc les portes, les voies du succès, qui est considéré pour beaucoup comme le groupe qui a inventé le métal. Vous en pensez quoi d'ailleurs? Mais oui, mais oui, oui, mais oui, mais oui. Bon, bah on va se faire un petit paranoïde alors, c'est parti. Paranoïde des Black Sabbath. Donc il y a encore une actualité pour Actesis, c'est le 12 mai. Allons-y. C'est le week-end du 15, 16, 17 mai. Ah bah c'est une mauvaise info que tu m'avais donnée tout à l'heure. Oh, ça arrive. Oh, mais virez-le, bordel. C'est le festival Bon Moment à l'autre canal. C'est mon frère Cookie qui tient le restaurant Cookie. Qui travaille pas mal là-bas, donc c'est l'occasion en fait de nous inviter à vous faire jouer Actesis, et aussi mon frangin Cookie, chef cuisinier, qui viendra sur scène partager la scène aussi. D'accord, donc, super. Voilà. Donc le 15 ou 16 mai. Bah, c'est le week-end là. Ouais. C'est bien. Sans oublier le 21 mars. Sans oublier bien sûr le 21 mars. Venez nombreux. Une belle affiche, hein, Dog and Steel, Torment, Actesis, là il faut venir. De la bonne bière. Ouais, mais ça il y en a toujours. J'en profite, donc vous avez un photographe et vidéaste. Bonsoir, Davy. Donc vous avez aussi fait pour nos amis Mortuary qui sont donc qui avaient été nos invités en décembre, un clip. expliquez-nous comme, pourquoi cette passion de, d'aller découvrir et faire des clips pour les autres groupes ou pas. On vous appelle ou pas? Moi, je suis surtout photographe à l'origine. Parle dans le micro, David. Parle dans le micro. Je suis surtout photographe, moi, à l'origine. Ouais. Voilà. C'est ça le micro, ouais. Approche-toi, t'as peur des gros trucs comme ça? Pourtant, t'es habitué à ça, toi. C'est énorme. Non, moi, je suis photographe, en fait. Ça fait 20 ans, quand même, que je faisais de la vidéo, mais ça fait quelques temps que j'ai pas pu faire de la vidéo parce que c'était trop cher. Maintenant, grâce au numérique, en fait, quand on peut avoir des moyens techniques beaucoup plus facilement. Et je me suis remis à la vidéo. C'est pour ça, en fait. Et comme je suis surtout photographe du groupe Mortuary, ben voilà. Et comment ça se passe, hein, vous arrivez les Actesis avec une idée de clip. Ouais, c'est vous ça. Vous la donnez à Davy qui la modifie, qui nous propose ce qu'il peut faire, qui fait une proposition, ça évolue beaucoup. Mais finalement, on a travaillé tous ensemble. Ouais, mais on a vraiment travaillé ensemble. On a vraiment fait évoluer le projet ensemble du clip Nothing. Là. Donc c'est pas forcément Davy qui est derrière la caméra. Non, c'est vraiment tous ensemble, vraiment collégial, des idées. Moi, j'apporte les moyens techniques. Voilà. Ouais. Et puis après, on discute. C'est surtout à eux en fait. C'est leur clip à eux. On reste ses cobayes quand même, mais ils nous laissent. On a amélioré la technique de Davy, maintenant il fait mieux grâce à nous. Hein. C'est vrai. Ça doit être sympa pour les mortuaries, ça. Non, mais c'est ça aussi, on en apprend tout le temps, de toute façon, surtout dans ce domaine-là. Donc, C'est génial, Davy, en plus, je connais depuis peu, mais en plus, il est passionné, là, il nous suit, il est disponible, donc c'est génial. Donc, on va faire un bon produit. Le clip, là, ça va être terrible. Super. Et des super photos, là, depuis que vous voyez sur Facebook, c'est que les photos de Davy, c'est top, quoi. Je vous remercie, les gars. Ça va, la cheville? Truc là, je suis super bien. Vous parlez des 15 000 vues des Mortuaries. Ça y est, il a lancé. Forcément, les Mortuaries, ils sont en concert tous les soirs en ce moment. Ben oui. Et j'en profite, fin de semaine, il y a un nouveau clip qui va sortir, donc d'un groupe qui s'appelle J-Prev. Pour ceux qui s'intéressent, voilà. Vendredi prochain, voilà. J-Prev, normalement, qui sont au festival de l'Irish Fest. Une semaine avant Lunéville. Nous, c'est ça. Lunéville. Hein, voilà, c'est ça. Bon, je leur passe un petit bonjour, hein, salut. Voilà, on va écouter un petit, le dernier Body Count. Moi, j'ai une petite dédicace à faire. Hein. Alors moi, je joue au tennis. Hein. En ce moment, il y a le tournoi à Saulx-sur-Aisne Nancy de tennis. Donc, petite dédicace à Arnaud, Alex, Jean-Louis et à Guillaume. Il faut que je lasse une petite schlag. Là. Les Bages vont avoir mal ce soir avec Guillaume. Allez, merci le tennis de Saulxure. Allez, un petit body count, c'est pour toi Guillaume. Body Count Carnivore, issu d'un futur album qui va bientôt sortir. Je vous rappelle que les Body Count seront aussi au Hellfest, en Hellfest en juin 2020. Vous allez au Hellfest en tant que spectateur? Non, on l'a déjà fait. Vous avez essayé de participer? On l'a déjà fait deux fois. Enfin, en tant que spectateur, on l'avait fait. Ouais. Ah ouais, tu veux dire en tant que Groupe, ouais, on aimerait bien. Les deux. Là, les spectateurs, ça y est, j'ai la réponse. Ouais. Mais oui, ça serait bien de faire quand même. Ouais. Vous tentez là, il y a des tremplins, Je pense pas cette année, mais l'année prochaine, ouais, ça serait d'accord. bien. Ça serait bien qu'on propose, et puis, de toute façon, faut être un peu plus connu quand même, faire plus de concerts. Toujours tenté, on va tenter. Alors pour répondre à la question d'un auditeur qui aimerait bien avoir du Eros Ramazzotti, c'est pas dans cette émission, hein. Ça vient toujours du tennis, hein, où les bâches vont avoir mal avec Guillaume. Donc cette émission va commence à se finir. Donc c'est aussi l'occasion. Donc il faut rappeler votre actualité. Donc moi vous allez le faire plutôt. Allez, c'est parti. On n'a pas beaucoup entendu le Serbe. C'est pour ça. Laisse-moi la parole à la Moldavie. Tiens. Allez, les remerciements. Allez. Le 21 mars, on soit à l'autre filature à Saint-Nicolas. Voilà. Avec Torment et Dogenstil. Avec Torment et Dogenstil, ouais. Et c'est Actesis qui organise. Il faut préciser parce que c'est pas courant, je trouve. C'est la release partie de l'album Buried Alive. Voilà. Et grâce, bien sûr, à la ville de Saint-Nicolas-de-Port. Bien sûr. Et grâce à Nadège, avec elle, on travaille, elle est investie aussi, qui gère vraiment la salle. On remercie aussi nos compagnes pour leur patience. Qui nous subissent. Nos compagnes. Remercions nos femmes. C'est ta femme qui te subit, ça, c'est sûr. Parce que nous, on répète, là, c'est à cause de lui. Virginie, si tu écoutes, les bénévoles aussi qui nous aideront. Les bénévoles qui vont nous aider. Les bénévoles, merci. Ah oui. Voilà. Puis les gens qui nous suivent, qui nous regardent ce que l'on fait. Ouais. C'est aussi, ça fait du bien aussi de savoir qu'il y a des auditeurs, des fans aussi. Et qui suivent même nos anciens groupes. Hein, oui, c'est ça. Et vous avez quand même oublié la sortie de l'album en février. Sortie de l'album, en février, là, ça sort. Et on peut vous retrouver sur Facebook, sur Instagram. Vous avez une chaîne YouTube. Quoi d'autre? C'est tout pour l'instant. C'est tout. Ouais, ça va grandir, je pense. Il y a Twitter aussi, j'ai fait Twitter. Ouais. On va faire des strings aussi. Voilà, puis aussi il y a le site Reverb Nation qui est bien sûr associé à Facebook, puis on va faire aussi un Bandcamp aussi pour mettre après le CD. Ah oui, tout ça, oui, finalement il y aura tout qui va s'afficher, les Patreon de... Vous connaissez Patreon? Ouais. Il part un peu en vrille, il a le coronavirus là. Tu connais pas ça de Patreon? Allez, on va faire un petit teaser le mois prochain. Dusk of Delusion va revenir, ils étaient venus aussi l'année dernière. On va les écouter avec Letters to Say. C'est un petit teaser pour le mois prochain. Sunshine that pierces the clouds. Voilà, Dusk of Division, Letters to Say, donc le ça petit teaser, ouais, ça envoie. Donc les prochains invités de Plus que du Métal le lundi 9 mars. Et bah écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir. Ah, merci Fred. Merci Fred. Merci à Fred. Jean-Luc, merci à Jean-Luc. On le voit pas, on le sent pas, mais il est là, il est avec nous. Oh oui. Et juste, je profite juste de ce moment. Dépêche-toi, dépêche-toi, là, faut que tu te dépêches. Je remercie aussi tous les gens qu'on a côtoyés, avec qui j'ai joué. Ils m'ont fait grandir, voilà, ils m'ont fait grandir. Donc, merci, bisous à tous. Fred Pinder et tout. Allez, Fredo, allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. À plus. Allez, ciao.